rêve de marier, lui comme un prince de conte de fées. Ils sont si beaux à regarder, rien ne pourra les séparer. Les amis de Barbie se marient, c'est le plus beau jour de leur vie. La plus belle des cérémonies qu'ils vont partager aujourd'hui. Pour eux, Barbie a esquissé le dessin d'une île, le bleu d'un ciel. Une plage bordée de cocotiers, destination lune de miel. Les amis de Barbie se marient, c'est le plus beau jour de leur vie. La plus belle des cérémonies qu'ils vont partager aujourd'hui. Resplendissante, et tout le monde la complimente. Pour son sourire et pour sa joie, pour la bague qu'elle porte au doigt. Les amis